إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله اتقوا الله ربكم حق تقاه واتقوه في أنفسكم وأهليكم واتقوه في أعمالكم وأموالكم واتقوه في بيعكم وشرائكم واتقوه فيما تأكلون وما تطعمون وما تنفقون وما تدخرون واتقوه في جميع عقودكم ومعاملاتكم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين واعلموا أن تقواكم لربكم سبحانه لا تتم إلا باتباع شرعه ودينه الطيب القويم في العبادات فيما بينكم وبينه وفي المعاملات فيما بينكم وبين خلقه وذلك بأن توقعوها على الوجوه الشرعية والطرق الصحيحة المرضية وتجنبوها الغش والكذب والخداع والتدليس والتغرير فقد قال سبحانه زاجرا لكم ومحذرا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه منه أو إلا بطيب نفس منه رواه الإمام أحمد وغيره وصححه الألباني رحمه الله وقد أوجب الله تعالى عليكم في المعاملات من بيع وشراء وإجارة وصيانة وعلاج وعقود وأعمال الصدق والبيان ونهاكم عن الغش والخديعة والكتمان والتغرير والتدليس والتلبيس مع الناس جميعا ذكرهم وأنثاهم صغيرهم وكبيرهم وقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني فمن كتم عيبا في سلعة وبضاعة وعرض أو خدع في حرفته وصناعته وصيانته أو تلاعب في تطبيبه وعلاجه وأدويته وتحاليله أو دلس في ثمن أو وصف أو شروط أو شروط عقد وصفقة أو كذب في إظهار وصف يراغب وهو على غير صفته فهو غاش. والغاش للناس مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وتبرأ منه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وعابه وقبحه وأهانه وحقره. عباد الله، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فأخبر سيد ولد آدم نبي الرحمة الشفيق على الخلق والحريص على استقامة أمورهم وأحوالهم صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث العظيم أن الصدق والبيان واجب في البيع والشراء، موجب للبركة والخير والنماء، وأن الكذب والكتمان محرم ماحق للبركة. عباد الله، دونكم بعض المظاهر المظلمة والصور البشعة والأعمال السيئة والخلال الرديئة والفعال القبيحة التي تقع وتظهر في معاملة من ضعف إيمانه وغره شيطانه وألهته دنياه وأردته شهوته. ومن هذه المظاهر، المظهر الأول أن تأتي إلى طبيب لطلب علاج ومداواة، فتراه في مداواته ودوائه يضعف إيمانه وينقص دينه وتنخفض مراقبته لربه سبحانه ويقل تذكرته لآخرته، فينظر حينها إلى مصلحة نفسه وزيادة أجره أو أجره ونسبته المالية، أو إلى مصلحة المستشفى الذي يعمل فيه، أو إلى مصلحة الشركة الدوائية التي يكتب للمريض أدويتها، حيث يكتب ويقرر للمريض من التحاليل والأشعة والأدوية أو الأجهزة أو القطع من جهة أنواعها وتعدادها وتكلفتها ما لا يحتاج إليه، أو ما غيره أنفع منه وأجود ويحقق المقصود وهو أقل في الثمن. ناهيك عن زيادة الكسب والتكسب بلا احتياج من غير سبب معتبر ومطابق، عن طريق باب الترقيد والتنويم في المستشفى، وباب الإسراف في الفحوصات والعمليات. ولا فرق في ذم ذلك وتقبيحه واستهجانه وتحريمه بين أن تكون تكلفة العلاج على حساب شركة التأمين، أو على حساب المريض، أو على حساب الحكومة، أو كان دافع المال غنيا أو فقيرا، أو كان من بلد الطبيب أو من غير بلده، أو من معارفه أو من الأباعد. ومن المظاهر الظالمة المظلمة، المظهر الثاني، أن تذهب إلى السوق لتشتري من دكاكينه ومحلاته سلعة، فترى البائع لا ينظر إلى مصلحة متجره أو الدكان الذي يعمل فيه وكيف يدخل عليه من الربح أكثر وتحصل له منه عمولة أكبر، ثم هو يخرج من هذه البيعة وقد كذب على المشتري في أشياء. غبنه في الثمن فباعه السلعة بربح فاحش، أو دلس عليه فوصف سلعته بما ليس فيها وما لا تستحق، أو وصفها بأنها أصلية وهي مقلدة، أو أظهر للمشتري أنه يريد مصلحته والأفضل له فيما يختار من سلعة، وهو في الحقيقة لا يريد بذلك إلا وثوقه بما يقول، حتى لا يخرج من عنده إلا وقد اشترى، وربما زاد على ذلك أيمانا كاذبة وذما بالباطل لبضاعة غيره. ومن مظاهر الظلم كذلك المظهر الثالث، أن تضع سيارتك أو جهازك أو آلتك عند من يقوم بصيانتها وإصلاحها، ثم هو بعد ذلك يغبنك ويأخذ عليك سعرا فاحشا، أو يكون العيب يسيرا فيظهره لك كبيرا ويأخذ منك مالا أكثر، أو يخدعك ويظهر لك أنه قد نصح لك واجتهد وأصلح بسعر أقل لتثق به وتأتي إليه مرة أخرى، والأمر ليس كذلك. وبعضهم قد ينهب من سيارتك أو جهازك أو آلتك قطعة أصلية فيضع مكانها مقلدة، أو تكلفه بشراء قطعة جديدة فيضع مكانها قطعة من عنده أو عند غيره مستعملة، أو يأتيك بفاتورة فيها سعر القطعة وهو قد تواطأ مع البائع على كتابتها بغير السعر الذي اشتراها لك به. ومن المظالم والمظاهر السيئة القبيحة المظهر الرابع، أن تتفق مع عامل مهني أو صاحب حرفة وصنعة لإصلاح شيء أو تمديد كهرباء أو إقامة بناء أو صيانة عقار أو إنجاز عمل في مدة معينة، ثم إذا أبرم معك العقد واتفقت معه إذا به يجد عقدا أو صفقة أو عملا يجد عقدا فيه من الربح ما هو أكثر، فلا ينجز لك عملك في مدته ويماطلك ويتعبك في طلبه والبحث عنه ليكمل ما بقي من عمله، كلما لقيته أو هاتفته أعطاك موعدا ثم هو لا يأتي فيه، ومرة يعتذر إليك بأنه قد مرض، وفي أخرى بأن قريبا له قد مات، ومرة لا يرد على اتصالك به، وليس فيه إلا علة الطمع والشمع، وصرفته إلى العمل الجديد وما فيه من ربح أكثر. ومن كانت هذه حاله فقد أهان نفسه وأسفلها وأضر بها، حيث كذب في تعذره واعتذاره وأخلف وعده وماطل في الحقوق وآذى أصحابها وكدرهم وتشبه بقوم مذمومين. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وخالف أمر ربه له حيث قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. Serviteur d'Allah, craignez Allah et craignez Allah dans tout ce que vous faites, dans vos personnes, dans vos familles, dans vos biens, dans vos travails, dans vos emplois, dans ce que vous mangez, dans ce que vous achetez, dans ce que vous vendez, et dans tout ce que vous faites, et dans vos transactions avec les gens. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, ô vous les hommes, mangez de ce qui est sur la terre, de choses qui sont permises et halal et qui sont bonnes, et ne suivez pas les pas du shaitan, car il est certes un ennemi évident pour vous. Et sachez que vous devez craindre Allah subhanahu wa ta'ala en suivant les ordres de sa législation et sa religion dans les actes d'adoration entre vous et votre Seigneur et dans les interactions que vous avez entre vous et ses créatures. Et lorsque vous faites des contrats ou des ententes avec d'autres personnes, que ce soit des musulmans ou des non-musulmans, eh bien vous devez le faire en vous écartant de toute forme de tricherie, de mensonge, de trahison et toutes sortes de falsifications. Et le musulman doit être honnête. Et Allah subhanahu wa ta'ala avertit les hommes en disant, « Ô vous qui avez cru, ne mangez pas les biens, vos biens les uns les autres, de manière injuste. Acceptez que vous le faites alors que vous êtes satisfaits les uns des autres dans le commerce que vous avez fait. » Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'est permis de prendre du bien d'un autre que de ce qu'il donne de son propre gré et qu'il est satisfait de le donner, qu'il le donne de son être, hein, alors qu'il est satisfait. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné dans les actes des interactions qu'on fait avec les autres, que ce soit du commerce, de la vente ou des services, comme par exemple de réparer des choses pour les gens, de faire du travail d'ouvrier ou mécanicien ou plombier ou peu importe le métier qu'on pratique, d'être honnête, de s'écarter de la tricherie, de la trahison et de cacher la vérité et de mentir aux gens. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple de ça. Une fois il marchait dans le souk et il a vu de la nourriture, un sac de nourriture, et il a mis sa main dans le sac et il a touché au fond avec ses doigts et il a vu que c'était mouillé à l'intérieur alors qu'au-dessus c'était sec. Alors il a dit à la personne qui vendait, « Ô toi le vendeur de nourriture, pourquoi je vois qu'au fond c'est mouillé alors qu'au-dessus c'est sec ?» Il a dit, « C'est la pluie qui est tombée dessus. » Alors qu'est-ce qu'il avait le vendeur? Il avait en réalité caché la marchandise qui était mauvaise au fond et il a mis la bonne marchandise sur le dessus pour que les personnes l'achètent. Et sans savoir qu'au fond du sac, il y avait des choses qui étaient mauvaises, qui avaient été touchées par la pluie. Approchez-vous. Taqarrabou. Barakallahu fikum. Et donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu cette réponse de la part du vendeur, il a dit, la prochaine fois, tu mettras la nourriture qui a été touchée par la pluie, mets-la au-dessus, pour que les gens la voient. Parce que celui qui nous triche, celui qui me triche, il n'est pas de moi. Il n'est pas de moi. Et donc, le musulman, il doit être honnête dans toutes ses transactions, dans toutes ses façons d'agir avec les autres. Parce qu'on vit dans une époque où les gens pensent que les règles de l'islam et les règles des ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, lorsqu'il nous ordonne d'être honnête et de respecter nos ententes avec les gens, ils pensent que ça c'est des règles pour un autre monde. Et que étant donné qu'on vit dans des pays qui ne sont pas musulmans, ou même dans les pays musulmans parfois, où les gens ont été habitués de se tricher les uns les autres ou de tricher l'autorité et de mentir dans leurs transactions, alors ils prennent ça pour acquis et ils s'enfoncent dans l'injustice et dans le mensonge. Et après, comme excuse, ils disent, oui, mais tout le monde le fait. Puisque celui-là, il ment, et l'autre, il ment, et l'autre, il triche, et l'autre, il triche, et l'autre, il fait des fausses déclarations, et l'autre, il ment, et il trompe les gens. Donc moi, si je ne le fais pas, je vais perdre. Hein? Et donc les gens rentrent dans un cercle vicieux d'injustice et de tricherie et de tromperie et d'hypocrisie qui ne terminera jamais à moins qu'il commence à craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et le pire, à notre époque surtout, c'est que les gens s'imaginent que celui qui est honnête, c'est un idiot, stupide, qui n'est pas intelligent. Et que celui qui trahit les autres, qui ment et qui est malhonnête, lui il est intelligent, il est malin, hein? Il sait comment se débrouiller. On dit de lui des choses comme si en voulant dire, ah, lui il est intelligent, il sait comment se faufiler entre les règles. Hein? En réalité c'est un hypocrite, un traître, un menteur, un voleur. Hein? Mais aujourd'hui on lui fait des éloges. Donc ça c'est le signe que à notre époque on a perdu la compréhension de ce que signifie dans l'islam les transactions honnêtes et les façons d'agir dans ces genres de domaines. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit dans un hadith, les deux, le vendeur et l'acheteur, ont le choix dans leurs transactions et dans leur vente tant qu'ils ne se sont pas séparés. Ils ont le choix de continuer ou de s'arrêter dans cette transaction. Et si les deux sont honnêtes et qu'ils clarifient la vérité, Allah va mettre la bénédiction dans leur transaction. Mais s'ils cachent la vérité et qu'ils mentent, Allah subhanahu wa ta'ala va enlever la bénédiction de cette transaction. Et donc, c'est pour dire en réalité que l'islam nous incite dans toutes nos affaires d'être honnête, d'être juste et de dire la vérité dans nos transactions. Et juste pour vous donner quelques exemples de certaines manifestations des injustices qui se produisent dans des choses qui se passent dans des transactions de tous les jours dans la société, eh bien, on peut mentionner quelques cas typiques qui nous montrent comment parfois les gens se sont éloignés de la compréhension de l'islam et ils ne comprennent pas le lien qu'il y a entre la aqida, la croyance, et la mise en application de ces principes de l'islam dans la vie de tous les jours. Et que dans l'islam, l'idée des koufars de laïcité, c'est-à-dire de séparer la vie de la religion, et de dire que la religion c'est juste à la mosquée, dehors tu peux faire ce que tu veux, ça n'a rien à voir avec l'islam. Car dans l'islam, le musulman, peu importe qu'est-ce qu'il est et où il est, tu es médecin, mais tu es musulman, donc il y a des règles à respecter. Tu es un mécanicien, tu es un plombier, tu es un ouvrier, mais tu es musulman, donc tu dois craindre Allah dans ton travail. Hein? Tu es un vendeur, un marchand, un commerçant, malgré tout, tu as des règles à respecter parce que tu es un musulman. Et il y a des règles dans l'islam qui règlent dans tous ces domaines et qui nous demandent d'être justes et honnêtes. Hein? Et donc, pour vous donner des exemples, parfois tu vas chez un médecin pour avoir un médicament et la foi de ce médecin est faible, alors lui qu'est-ce qu'il fait? Il pense aux intérêts de son salaire, aux intérêts de l'hôpital, et il va te faire prendre des médicaments ou des traitements ou des choses que tu n'as même pas besoin, tout ça pour faire augmenter la facture, pour faire plus d'argent avec toi. Mais s'il était un vrai mu'min et que sa foi était forte à ce moment-là, il aurait craint Allah et il t'aurait prescrit ce que tu as besoin et ce qui est le mieux pour toi, même si il n'allait pas faire autant d'argent avec toi. La même chose pour le marchand. Quand tu vas dans son magasin, il ne va pas te mentir à propos de la marchandise juste parce qu'il veut te vendre quelque chose. Et il ne va pas critiquer une marchandise qui est bonne et faire l'éloge d'une marchandise qui est mauvaise juste pour faire plus de profit avec toi. Et il ne va pas non plus te jurer que quelque chose est bon alors que c'est mauvais. Également, un autre exemple, lorsque tu vas chez le mécanicien, tu lui laisses ta voiture pour qu'il la répare. Si ce mécanicien est un musulman, il ne va pas te trahir, il ne va pas te mentir dans ta voiture. Te dire oui, je vais la réparer. Et puis il fait quelques petites réparations, puis après, il te la redonne, il te charge une grosse facture alors que il n'a même pas fait un gros travail dessus. Ou bien il te met des pièces déjà utilisées et il te dit qu'elles sont neuves. Ou bien il l'achète à un prix réduit et puis il te fait croire qu'il l'a acheté très cher ou bien toutes sortes de mensonges de ce genre. Et également l'ouvrier qui fait un travail comme un électricien ou un homme qui travaille dans la construction, un ouvrier, ou peu importe le domaine, hein, tu fais un contrat avec lui, il te dit oui, je vais finir le travail à telle date. Et puis il trouve un autre contrat pendant ce temps-là qui est meilleur que le tien, alors il te fait attendre. Pendant des semaines, tu cours après lui pour savoir s'il va venir terminer son travail, mais lui, pendant ce temps-là, il travaille sur l'autre contrat. Et à chaque fois que tu l'appelles, il te dit, je m'excuse, mais un tel est malade, donc il faut que je m'occupe de lui, mon père est mort, ou bien il va raconter plein de mensonges, ou bien il ne va même pas répondre au téléphone. Il te fait courir après lui pendant des semaines et des semaines, en prétendant qu'il n'a pas le temps, hein, ou bien qu'il ne peut pas te parler. Et puis finalement, la réalité derrière ça, c'est qu'il voulait faire un petit profit de plus. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le signe de l'hypocrite est de trois. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il donne une promesse, il manque sa promesse. Il manque à sa promesse. Et lorsqu'on lui confie un dépôt, il ne respecte pas le dépôt qu'on lui a donné. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, respectez vos engagements et vos contrats. Et on pourrait rajouter là-dedans aussi des gens qui, par exemple, vivent dans les pays non musulmans, comme le Canada, la France ou autres, les États-Unis. Ils reçoivent des aides financières du gouvernement et ils disent au gouvernement, je ne travaille pas. Alors qu'ils travaillent en dessous de la table, au noir. Et ils reçoivent en cachette des aides économiques du gouvernement. Et ça, c'est une forme de riche. C'est une forme de fausse déclaration. Et dans l'islam, le mensonge, c'est haram. Donc le musulman doit respecter ses paroles, ses ententes. Il doit respecter son contrat. Si tu signes, tu mets ta signature, tu dis, je travaille pas, j'ai pas de travail, alors que tu travailles. Ça, c'est pas un mensonge. C'est une fausse déclaration. C'est une forme de riche, de rabat, de khiyana. Et ça, c'est pas une caractéristique du musulman, c'est une caractéristique du munafiq. Et quelle image on donne à l'islam et aux musulmans lorsqu'on agit de cette manière? Pas seulement devant les koufars, mais devant Allah subhanahu wa ta'ala, c'est encore plus grave. Et donc ça, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir. Et des choses auxquelles il faut comprendre en fait que dans notre religion, il y a un lien avec toutes les affaires de la vie. Et qu'on ne peut pas séparer la religion et la vie. Et que la laïcité, ça n'a rien à voir avec l'islam. Et qu'il faut rejeter cette notion et la combattre de toutes nos forces. Parce que c'est une guerre contre la religion d'Allah. Une guerre contre les prophètes. Une guerre contre la foi. Une guerre contre le Coran. Et ceux qui appellent à la laïcité, c'est des ennemis d'Allah. Des ennemis de l'islam. Des ennemis du Coran. Des ennemis des anges. Des ennemis des prophètes et des messagers que Allah a envoyés depuis le début des temps jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تقدموا قليلا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، لئن طلبتم المال وبركته ونفعه الطيب لكم ولأهليكم وبلادكم فاطلبوه من وجهه الطيب الحلال، فإن المال الحلال مبارك، وإن أكلتموه أو أطعمتموه لمن تعولون أو تصدقتم به أو ورثتموه لمن بعدكم فهو مبارك ويكتب لكم به الأجر ويزيدكم حسناتكم في حسناتكم وإياكم أن تختاروا مقت ربكم وغضبه وآليم عقابه فتكسبوا المال وتستكسبوه من وجه حرام فإن المال الحرام منزوع البركة وماحق لما خالطه وحل به وإن أكلتموه فقد أكلتم حراما وإن تصدقتم به لم يقبل منكم وإن تركتموه للورثة كان في صحيفة سيئاتكم ورجعتم منه بالصفقة الخاسرة غير الرابحة حيث بعتم الدين والآخرة بعرض وحطام يسير من الدنيا وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت والنار أولى به يعني بذلك جسم تردى ونبت من مال حرام عباد الله بادروا بالتوبة النصوح والإقلاع عن الغش والخداع والكذب والكتمان والتدليس والتغرير والوعود الكاذبة والعقود والمعاملات السيئة المخالفة للشريعة وما لهم من حقوق وجبت عليكم قبل الأخذ بالنواصي والأقدام يوم القيامة يحصل ما في الصدور يوم القيامة لا ينفع درهم ولا دينار ولا تكونوا عبيدا لأهوائكم ومطامعكم وكفوا جشع قلوبكم ومن كانت بينه وبين الناس مظلمة في مال بسبب الغش والخداع والتدليس في المعاملات والبيع والشراء فليخرج منها بالتحلل منه قبل أن يتعذر الوفاء عليه إلا من أعماله الصالحة يوم القيامة سيغفر الله Sachez que si vous cherchez les biens et l'argent dans ce qui est halal, eh bien, il y aura dans votre bien une bénédiction et une baraka. Et tandis que si vous cherchez votre bien dans ce qui est haram, eh bien, vous allez obtenir la colère de votre Seigneur et cette baraka va être enlevée de vos biens. Et au lieu de cette baraka, eh bien, vous allez trouver la perdition. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que toute chair qui a été, qui a grandi, nourrie par qu'est-ce qui est haram, eh bien, elle n'entrera pas au paradis. Et elle mérite plus l'enfer. Et donc, serviteur d'Allah, précipitez-vous vers la repentance, sincère envers Allah, et cessez les transactions mensongères et les tricheries et les mensonges et revenez à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas trop tard pour vous repentir et il n'est pas trop tard pour corriger vos erreurs envers les autres si vous leur avez fait une injustice. Et craignez Allah subhanahu wa ta'ala dans vos transactions. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا اعتدلوا سووا صفوفكم سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة Faites-vous ranger droite, ne laissez pas d'espace entre vous. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين